Calme maison, ancienne passion. Kiosque de la folle par affection. Après les fesses des rosiers, balcon, on brûle les trépas de la Juliette. Charmante station du chemin de terre. Au cœur d'un mont, comme au fond d'un berger. Oublie le diable nous danse dans l'air. Je te connais et t'admire en silence.